partir en voyage, apparemment être ici pour voir des images, finalement qui n'existent après le beau temps. Apparemment y a la pluie de pas d'éléphant, finalement de souris. Mais où dois-je aller? Décidément pour la vie.